Lettre 79e, Agathoclès à Phocion, Nicomédie, avril 303. Depuis 8 jours, cher Phocion, je suis le plus heureux des hommes. L'unique désir de mon cœur, depuis que je l'ai senti, est accompli. Je suis marié avec ma Larissa. Je jouis non seulement de mon bonheur, mais aussi du sien. Nous le trouvons en nous-mêmes, dans l'harmonie de nos goûts, de nos sentiments. Il est donc aussi complet qu'il puisse l'être sur cette terre. Et nous ne pouvons plus former aucun souhait que celui de terminer ensemble, quand Dieu l'ordonnera, une vie qui serait l'image de l'âge d'or, si nous n'avions pas des inquiétudes cruelles sur nos frères, les chrétiens persécutés. Mais le pèlerin qui voyage ici-bas ne doit pas y jouir d'une félicité parfaite, et pour qu'il ne s'abuse pas sur le but de son existence, sur sa vraie destination, la Providence traverse son bonheur par 1000 vicissitudes, pour en affaiblir l'éclat qui pourrait nous éblouir et nous égarer. Notre devoir est de travailler à les surmonter par la paix de l'âme et la résignation, et de poursuivre notre route avec courage. Heureux celui qui vit en paix avec lui-même, et qui soumet à la raison et ses désirs et ses projets. J'ose me flatter d'être parvenu en partie à cette hauteur. À présent, je me sens parfaitement tranquille, mais la possession de Larissa était une des conditions principales de cette tranquillité à laquelle j'aspirais depuis longtemps sans pouvoir y parvenir. Sans Larissa, mon existence n'était pas achevée. Elle seule me comprend entièrement. Son esprit juste, simple, neuf, si je puis m'exprimer ainsi, qui n'a jamais erré dans le doute et dans le labyrinthe tortueux de la métaphysique, saisit à merveille ce que les hommes les plus éclairés ont souvent peine à comprendre, Constantin même, qui me connaît à présent aussi bien que toi, et qui pense comme moi sur les objets les plus importants, n'entre pas dans les replis de mon cœur comme ma Larissa, qui, par un mot, un regard, m'explique ce que je ne puis définir. Constantin, tout occupé des grands événements qui se préparent, et d'une ambition dont le but est louable, n'est plus pour moi ce qu'il était. Il n'est plus tout à l'amitié, et Larissa n'a qu'une pensée dont je suis l'objet. Son Agathoclès, c'est tout pour elle. Tu sais que j'étais résolu de tout employer pour fléchir mon père et lui faire retirer sa malédiction. Indépendamment du désir de Larissa et du mien, ma religion me le prescrit comme un devoir essentiel. Ce commandement est même le seul qui porte une promesse positive. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre que Dieu te donne. Voilà comme parle la loi que Dieu proclama sur le mont Sinaï. La nature a gravé dans notre âme cet amour pour ceux qui nous ont donné la vie, et c'est un des sentiments qui distingue le plus l'homme des autres créatures. La branche d'un arbre, séparée du tronc, prend racine à son tour, devient un arbre elle-même et n'a plus de communication avec celui dont elle est sortie. L'animal, jeune encore, se sépare de sa mère, du moment qu'il sent la faculté de pourvoir lui-même à ses besoins et ne distingue jamais son père. Mais l'homme est d'une nature plus noble. Son créateur et le monde demandent plus de lui que des êtres conduits seulement par un aveugle instinct. Il doit, lorsqu'il est parvenu à l'âge où il n'a plus besoin des soins de ses parents, leur rendre à son tour ce qu'il en a reçu dans son enfance. Ce n'est pas l'instinct qui le porte à ce sentiment. La reconnaissance, l'habitude, la loi positive de Dieu, la raison doivent le produire et l'entretenir. Voilà pourquoi les législateurs étendirent la puissance des pères et des mères sur leurs enfants jusqu'au droit de leur ôter la vie qu'ils leur ont donnée. Mais la crainte ne produit pas l'attachement. Ce n'est pas parce que nos parents ont des droits sur nous et sont nos supérieurs que nous les aimons. Ce n'est pas même parce qu'ils nous ont donné l'existence, qui souvent est un funeste présent. C'est parce que tant que nous avons eu besoin d'eux, ils ont tout fait pour nous la conserver et pour la rendre heureuse. C'est parce que le cœur de l'homme, formé pour aimer, s'attache fortement aux premiers objets dont il est entouré, et Dieu, dans sa bonté, nous a fait un devoir méritoire et dont il promet la récompense du plus doux de nos sentiments, du premier qui remplit notre âme d'un amour qu'il nous demande aussi pour lui. C'est d'après ces idées, d'après mes vœux et ceux de Théophanie, que je me décidais à faire une tentative pour ramener mon père. Mais je voulus, avant le préparer, à recevoir comme son fils celui à qui il n'avait pas donné la moindre marque de souvenir lorsque la mort menaçait de le frapper. À ma prière, Constantin se rendit chez lui. Il le trouva dans une situation d'esprit singulière. Il n'était point irrité, mais plutôt attendri par moments. Incertain, irrésolu, il demanda du temps pour réfléchir et promit de lui envoyer sa réponse le lendemain. Elle vint en effet, et voici ce qu'elle contenait. Que si je consentais à renoncer publiquement et pour jamais à sa fortune, puisqu'il ne pouvait consentir à enrichir un chrétien, alors il me reconnaîtrait comme son fils, retirerait sa malédiction et donnerait son consentement à mon mariage. Je ne balançais pas un instant sur le parti que j'avais à prendre. Je signai tout de suite une renonciation totale à tous les biens de mon père. Elle lui fut envoyée, et dès le même soir, je me rendis chez mon père pour obtenir son pardon, avec plus de plaisir que je n'en aurais eu avant que d'avoir renoncé à sa fortune. Ne pouvant marcher encore, je me fis porter en litière. J'entrai dans le vestibule et je me fis annoncer par un esclave. La vue de mes ancêtres, dont les portraits ornaient la galerie, le souvenir de ma jeunesse, de ma bonne mère, des différentes scènes de ma vie qui s'étaient passées dans ce lieu, la singularité de ma position actuelle, peut-être aussi ma faiblesse et l'irritation de mes nerfs, me disposèrent à un attendrissement extraordinaire. Et lorsqu'au lieu de l'esclave qui devait m'introduire chez mon père, je le vis venir lui-même, accourant aussi vite que son âge le lui permet, cachant avec peine son émotion qui se peignait dans tous ses traits, mon sentiment filial prit le dessus. Je saisis sa main, je la pressai sur mes lèvres. Elle fut inondée de mes larmes, et j'étais incapable de prononcer un seul mot. Mais il n'en était pas besoin pour me faire entendre. Lorsqu'il eut repris lui-même un peu de calme, il s'informa avec bonté de ma santé, de mon état. Il s'affligea de me trouver encore si faible et si pâle. Il prit mon bras pour me soutenir en m'introduisant dans les appartements. Il y mit des soins et des ménagements qui me prouvèrent qu'il était mieux instruit de mes blessures qu'il ne voulait le paraître. J'étais dans une émotion extrême. Je baisai de réchef sa main. Je la pressai sur mon cœur. Il me parut qu'il s'efforçait de comprimer ce qu'il éprouvait. Cependant, il me nomma son enfant, expression dont il ne s'était pas servi depuis bien des années. Il me fit asseoir à ses côtés. Il me fit apporter les rafraîchissements qu'il put se procurer dans cet instant. Enfin, il me congédia avec l'invitation de venir le voir le lendemain et de lui présenter ma future. Il ne fut point question du traité que j'avais signé. Il me semblait qu'il craignait d'en parler. Si je ne me trompe, il y a des amis officieux qui l'ont engagé à une chose qu'il aurait peine à justifier. Je rentrai chez moi, et jamais je n'ai vu Théophanie aussi contente que lorsque je lui rendis compte de ma démarche. Un poids énorme paraissait être tombé de dessus son cœur. Elle s'égaya, ses yeux charmants pétillaient de joie, et l'expression de cette joie était si pure, si naïve, qu'elle en était embellie, d'autant plus que chez elle cette expression est très rare. Je passai la soirée seule avec elle, et ce fut sans contredit la plus heureuse de ma vie. Son souvenir brillera comme une étoile dans l'obscurité du passé et me fera supporter bien des malheurs à l'avenir. Si le malheur doit encore m'atteindre, il me semble que dans les bras de Larissa, je puis le défier. Le lendemain fut encore un beau jour pour elle. Mon père lui envoya des présents magnifiques. Plusieurs esclaves les apportèrent. L'amour paternel trouva ce moyen d'éluder la loi sévère qu'il s'est imposée, de ne rien donner à son fils chrétien. Il n'avait pas dit à sa belle-fille chrétienne. C'étaient des étoffes superbes, des bijoux précieux en or, des diamants de plusieurs espèces, des voiles du tissu le plus fin. À ma prière, Théophanie s'empara tout de suite, et nous nous mîmes en chemin pour nous rendre chez mon père avec le cortège qui pouvait flatter son amour-propre paternel. Il parut très agréablement surpris de la figure de Larissa et content de ses manières. On la lui avait sûrement dépeinte bien différemment. Il la reçut avec tous les honneurs dus à la veuve du brave Démétrius, avec un mélange de respect non affecté, et comme sa fille, avec tendresse et bonté. Il m'invita à venir habiter sa maison, du moment que ma santé me permettrait un déplacement. Comme je me sentais fort bien, j'acceptai avec reconnaissance, malgré le chagrin que j'éprouvais de me séparer de Théophanie, qui devait rester dans la maison des veuves jusqu'au jour de notre mariage. Je la raccompagnai donc chez elle, et retournai chez mon père où je retrouvais mon appartement avec tous mes effets qu'il avait fait chercher au quartier de la garde impériale, et une quantité d'autres objets de toute espèce, et tout ce qui peut convenir à un convalescent. Mon père fit ensuite des arrangements pour nous recevoir. Il fit meubler avec somptuosité l'appartement de ma mère. Nous aurions été bien plus contents, tous les deux, qu'il l'eût laissé tel qu'il était. Les meubles qui avaient été à l'usage de cette excellente mère nous plaisaient bien plus que toute cette pompe. Mais mon père l'aime. Nous ne voulûmes pas le contrarier, puisqu'il y trouvait son plaisir. Dès que tout fut arrangé, je me rendis chez Théophanie, et dans l'oratoire de la maison, Héliodore reçut nos serments et nous donna la bénédiction nuptiale. Je voulus ensuite amener ma Théophanie dans la maison paternelle. Mon père déclara positivement qu'il voulait recevoir sa belle-fille suivant les anciens usages de Rome. Nous nous rendîmes à ses vœux, et Théophanie reçut de lui à la porte les clés de la maison, du feu et de l'eau. Les esclaves lui furent ensuite présentés, et, à l'exception du sacrifice solennel au lard que sa religion lui défendait, elle se conduisit dans cette circonstance de manière à gagner toute l'amitié de mon père. Depuis que le poids du malheur n'écrase plus son sensible cœur, elle renaît à la gaieté, au contentement. Elle a pris de l'embonpoint. Son teint, que son séjour chez les Goths avait bruni, a repris son éclat. Les traces de sa cicatrice s'effacent, et elle me paraît plus belle même que ne l'était Larissa d'autrefois. Elle dirige la grande économie de mon père avec ordre et facilité, et le vieillard heureux se plaît dans le bonheur de ses enfants, qu'il regarde comme son ouvrage. Ma Larissa dit qu'elle est trop heureuse pour ce monde, et moi, Phocion, je jouis avec délice et avec la plus vive reconnaissance de ma situation actuelle, de ma propre félicité, de celle de mon père et de ma compagne. Constantin seul est mécontent de moi. Il ne peut me pardonner ma précipitation à renoncer à l'héritage immense de mon père. Son esprit, naturellement ambitieux, croit que la richesse est un moyen presque sûr de parvenir à ce qu'on désire. Il n'a pas tout à fait tort, mais mon but n'est pas le même que le sien. Et le fils chéri d'un père, qu'aucune mésintelligence n'éloigna jamais de lui, ne connaît pas le prix qu'on attache à l'amour paternel. Voilà comme les plaisirs et le bonheur de cette vie sont toujours troublés. Depuis que j'ai signé cet acte contre la vie de Constantin, je ne l'ai plus revu. Je compte aller m'établir dans quelques jours à Saint-Iom pour reprendre des forces, en respirant un air pur et serein et vivant dans une parfaite tranquillité. Mon père nous a promis de venir souvent nous visiter. Je vais me retrouver avec Larissa, dans ce lieu cher de ma bonne mère, où tant de fois elle nous réunit dans ses bras, où elle nous fut enlevée, où sa cendre repose, où tout nous parle d'elle et la retrace à nos souvenirs. Combien ce souvenir ajoute encore à mon bonheur. Mais cependant, à côté de Larissa, je n'oublie pas que je suis séparé de toi et que Constantin me boude. Heureux par l'amour, je souffre par l'amitié. Oh non! Il n'y a point de bonheur parfait ici-bas. Adieu. Ainsi s'achève le tome 3e et avant-dernier de Agathoclès de Caroline Pichler.